Bien. Cette demi-journée est donc articulée, vous le savez, autour de deux tables rondes, celle qui vient d'avoir lieu, animée plutôt par des archivistes, et l'autre plutôt par des usagers. On peut sans doute considérer que c'est une curieuse représentation du dialogue, et c'est sans doute pour cela qu'on a demandé à l'archiviste que je suis, qui s'est beaucoup occupé des publics au cours de sa carrière, et qui s'en occupe encore, je rassure les usagers des archives du Rhône, c'est sans doute pour ça qu'on m'a demandé de l'animer. Et en même temps, cette organisation reflète la chronologie du débat qui nous anime, car il ne faut pas oublier que l'alerte sur les difficultés et les conditions de la collecte, cette alerte, elle est d'abord partie du réseau professionnel des archivistes, et c'est cela qui a suscité le rapport présenté au Conseil supérieur des archives sous votre présidence. Et c'est lorsque ce rapport a été davantage connu et diffusé que les usagers s'en sont inquiétés. Et je voudrais dire aussi combien cette mobilisation des usagers, cette inquiétude, ces polémiques qui, comme par toutes les polémiques parfois, sont un peu déstabilisantes, combien cette mobilisation est aussi une chance, parce qu'elle témoigne de la force et des enjeux des missions des archivistes. Les archives ne sont pas banales, elles ne sont pas une matière ordinaire, elles ont à voir avec l'identité et les enjeux de notre société. Il faut s'en réjouir, car rien ne serait pire que de ne susciter aucune passion. Alors ce débat, j'allons l'ouvrir ici avant les échanges qui suivront, avec quatre usagers qui sont de grands connaisseurs et je crois pouvoir le dire aussi de grands amis des archives. Je ne suis pas certain qu'il faille les présenter, mais comme c'est un exercice de style, je le fais. J'ai donc à mes côtés Annette Viviorca, directrice de recherche émérite au CNRS, membre du Conseil supérieur des archives, ancien membre du Conseil économique et social qui n'était pas encore environnemental, me semble-t-il, et pour beaucoup d'entre nous aussi, longtemps présidente de l'association Une Cité pour les Archives Nationales. Thierry Chestier, président de la Fédération française de généalogie depuis juin 2016 et depuis de longues années, président du Cercle généalogique Poitevin. Gilles Morin, chercheur associé au Centre d'histoire du XXe siècle et, c'est pour ça que vous êtes ici, Gilles, président de l'Association des usagers du service public des archives nationales. Et enfin, Antoine Djikpa, généalogiste associé au sein de ADD et associés, président de généalogistes qui regroupe la très grande majorité, la quasi-totalité des généalogistes professionnels, membres également du Conseil supérieur des archives. Je vous propose, dans le temps qui nous est imparti, de revenir d'abord précisément sur les réactions, voire les inquiétudes qui ont été les vôtres quand le débat s'est ouvert. Céline Guyon a exprimé tout à l'heure le risque d'inquiétude que tout débat suscite. Et peut-être je vous demanderai d'insister plus concrètement sur un fonds ou un type de document pour lequel vous avez redouté, à moins que vous ne l'ayez espéré, une évaluation plus sélective. Alors Annette, vous connaissez bien les archives, je l'ai dit, de surcroît pour vous comme pour moi et pour beaucoup d'autres, ce lieu évoque aussi de forts souvenirs liés aux archives et c'est pourquoi je vous propose d'ouvrir notre échange. Oui, tout à l'heure, le président du Conseil économique et social et la ministre de la Culture ont évoqué la mémoire. Or, la mémoire de ce lieu est très fortement liée aux archives. Hervé Lemoine se souvient d'avoir été présent quand Georgette Elger a présenté son rapport et son avis sur les archives orales. Les fruits de ce rapport, comme d'autres rapports de cette institution, c'est une question que nous n'ouvrirons pas aujourd'hui. Mais nous sommes beaucoup aussi à nous souvenir de ce formidable colloque « Les Français et leurs archives » où étaient présents ici même Lionel Jospin, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Mauroy, Pierre Messmer et des personnes comme René Raymond auxquelles je voudrais rendre hommage. Et je peux dire que Perfitte est né ici même. Et je voudrais rendre hommage à René Raymond, envers lequel nous devons avoir une pensée aujourd'hui, Georgette Elger. Je voudrais aussi signaler une situation un peu parallèle à celle d'aujourd'hui, puisque le colloque a été décidé dans une période où on attendait un directeur des Archives nationales. Et c'est Martine de Boisdeffe qui a été nommée et qui a été en fait la dernière directrice des Archives de France, excusez-moi, et une grande directrice. Et puis à Isabelle Neuschwander, qui a fait partie de cette petite équipe qui a permis la construction de Perfitte. Sur la question des archives, autre souvenir lié aussi à l'esprit des lieux, Jean Matteoli. Jean Matteoli a été pendant 12 années président de cette institution, mais il a été aussi le président de la mission d'études sur la spoliation des biens des Juifs de France, qui a consisté d'abord, et Antoine Pro s'en souvient très bien, à filer les archives, à retrouver des archives, à retrouver des fonds d'archives qui étaient totalement inessentiels aux archives nationales ou dans d'autres lieux. Et c'est pourtant ces archives qui ont permis les travaux de cette mission et qui ont permis ensuite tout à la fois des recherches de type généalogique de personnes qui recherchaient l'histoire de leur famille et des choses plus générales. Donc nous ne savons pas ce que l'avenir jugera essentiel dans la collecte d'aujourd'hui. C'était la première remarque. Et si j'ai 2 minutes, je voudrais parler des archives de la justice. Deux. Bon. Avec ma collègue Danielle Vollmann, nous nous intéressons à un jeune couple, Ginette et Claude Bach, condamnés aux assises de la Seine, puis aux archives, et puis aux assises de Versailles. Et c'est pour ça que je recherche, que nous recherchons avec ardeur, les dossiers de détenus de Claude et Ginette Bach, début des années 50. Faits divers, ils laissent mourir leur 4e enfant, alors qu'à 23 ans, Ginette est enceinte du 5e. Et c'est ce fait divers qui va déclencher la création de la maternité heureuse, puis du planning familial, par Marie-Andrée Lagroix-Veyalé et Evelyne Sullereau, qui a aussi siégé ici. Or, impossible de retrouver les dossiers de détenus. Ceux de Fresnes, comme ceux de La Roquette, ont été pilonnés. Ça fait 1 an et demi que je discute de ce pilonnage avec les uns et les autres. Coup de chance, Ginette met au monde son 5e enfant à Fresnes. Et à 18 mois, on lui retire l'enfant. Elle est transférée à la prison de Haguenau. Les archives de la prison de Haguenau, prison de femmes, ont été transférées avec les prisonnières à Rennes. Et lundi, nous irons consulter le dossier de Ginette, car on a filé ce dossier. Je ne plains pas d'aller à Rennes. J'adore filer les archives. Je trouve que c'est un immense plaisir de l'historien d'essayer d'imaginer là où il va trouver les renseignements. En revanche, pour Claude, nous ne saurons rien sur sa détention. Françoise a tout à l'heure mentionné les 2 fonds qui sont rentrés. Marion Vessière a eu la gentillesse de chercher s'il y avait des dossiers de Claude et Ginette dans ces fonds. Je pense qu'ils ont été des détenus modèles. C'était un jeune couple modèle aussi, hein, avec aucune... Et je pense qu'on n'aura jamais ces dossiers. Alors, je vais arrêter là pour ne pas parler trop longtemps. Non, je vous rendrai la parole. Donc, votre inquiétude, au fond, c'est voilà, de vous dire, si j'ai bien entendu vos propos, nous ne savons pas ce que l'on jugera essentiel après. Vous avez cité des exemples de dossiers qui, d'ailleurs, ont été détruits dans des conditions non réglementaires. Et vous avez rappelé que grâce à la collecte effectuée par des archivistes, il était aussi possible de retrouver au moins une partie des informations que vous cherchiez. Vous-même, Thierry Chestier, qui représentait tous les généalogistes nombreux qui sont dans les salles de lecture des archives départementales, ou plus nombreux encore, qui sont devant leur poste informatique à consulter les millions de pages numérisées qu'on a mis à leur disposition. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces débats s'ouvrir autour du rapport présenté au Conseil supérieur des archives ? Alors, merci de nous donner la parole. Les réactions que j'ai eues de la part de mes collègues, c'était un petit peu de la perplexité, de la stupeur. Il était question d'économie. Alors, je reprends les paroles de Mme Françoise Nyssen il y a quelques minutes. Nous ne ferons pas d'économie sur notre mémoire, alors que c'est au contraire ce qui sous-tend ce qu'on a vu passer récemment. Il y a une question d'économie, faire des économies en numérisant des fonds pour pouvoir se dispenser de garder les originaux. Alors nous, on est un petit peu vent debout contre ce genre de pratique, ce genre de réaction, puisqu'on a, fait feu de tout bois contre la suppression du deuxième registre d'état civil dans les localités où il y a une version numérique. Ah oui, mais nous, on est généalogiste, vous allez nous dire, on a tendance à regarder dans le passé, mais non, on regarde aussi vers l'avenir. Et puis, quand on parle de copie numérique, on se pose la question de la pérennité du support, de la possibilité de lecture à court ou moyen terme, et je ne parle même pas du long terme, de tous ces supports numériques. On a tous connu, enfin, pas pour les plus jeunes qui sont nombreux dans la salle, les espèces de grandes disquettes un peu souples, qu'on appelait les floppy disks. Qui en a encore ? Personne. Qui saurait les lire s'il en a encore ? Personne. On a tous connu les disquettes un petit peu dures, 3 pouces, 1 quart ou 1 tiers, je ne sais plus trop. Je suis persuadé qu'il y a des gens qu'on a encore dans des tiroirs, dans certains classeurs. Qui, maintenant, peut lire ce genre de support ? Merci de votre enthousiasme. Personne. On a tous dans nos poches des clés USB. Monsieur Pro, on a. Et vous savez les lire ? Ah, c'est bien. Et on a tous dans nos poches des clés USB. Ça fait quoi, 10 ans qu'on a des clés USB. Dans 10 ans, on aura quoi dans nos poches? Personne ne sait. Alors, il y a des collègues qui disent, ah oui, mais on pourra les lire parce que ceci, parce que ça va être maintenu, ça va être réparé en cas de besoin, ça va être transformé. Ben oui, mais ça a un coût. Alors, on nous dit, on va se passer des registres originaux, enfin des documents originaux dès l'instant qu'ils seront numérisés. Ben oui, mais une base informatique, c'est comme tout. Ça naît, ça vit, ça meurt. Et nous, ce qu'on craint, ben, c'est que un jour, ce genre de copie va disparaître et puis que plus personne ait la possibilité de récupérer quoi que ce soit. Donc on n'est pas contre le développement des nouvelles technologies et du numérique. On a appelé de nos voeux la mise en ligne des archives quand elles étaient numérisées. On procède dans certains départements nous-mêmes à des numérisations de documents anciens fragiles. Mireille Jean sait de quoi je parle puisqu'on a en 2009 signé une convention pour la numérisation des actes notariés incommunicables en raison de leur état. On n'est pas contre, au contraire, mais on n'est pas 100% pour un remplacement des documents originaux par des copies numériques. Voilà, en quelques mots, le ressenti que nous avons. Votre ressenti a vraiment été lié à cette question-là de la crainte de voir substituer la conservation des originaux papier par des copies entièrement numériques. Exactement. Et vous-même, Gilles Morin, comme président de l'Association des usagers du service public des archives nationales, quelle a été votre réaction, si tant est qu'elle n'ait pas eu déjà un peu d'écho, quelle a été votre réaction et votre éventuelle inquiétude quand le rapport du Conseil supérieur des archives a été diffusé ? Pour tout dire, nos inquiétudes étaient plus anciennes, certains d'entre nous, notamment pour ceux qui suivaient les questions des archives. Elle avait été agrandie, si je puis me permettre cette expression, le mot n'est pas joli, au moment notamment des rapports de la Cour des comptes et de la discussion qu'il y a eu au Sénat, où on a vraiment parlé là beaucoup d'aspects chiffrés, c'est-à-dire de kilomètres qu'il va falloir réduire dans les années à venir en attendant une extension de Pierrefitte, par exemple. On a aussi tenu des propos qui nous ont un peu choqués, disons les choses par leur nom, sur ces historiens qui ne viendraient plus beaucoup et qui ne seraient en gros pas exactement ce dont ils ont besoin. Donc il fallait pouvoir penser un peu pour eux. Donc c'était une atmosphère qui était un peu gênante. Et puis bien sûr, il y avait cette question de Fontainebleau et du devenir de Fontainebleau, et nous avions déjà des échos depuis quelque temps sur le fait que des fonds pourraient être réévalués rapidement, voire étaient en cours de réévaluation, et c'était un des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne savait pas au juste ce qui se passait. Et notre première demande a été une demande de transparence, soyons clairs. Donc voilà un petit peu le cadre pour le dire. Et puis nous savions et nous voyons également depuis quelques mois des dysfonctionnements au niveau de la salle de lecture. Nous voyons bien que les moyens des archives étaient en baisse, à la fois nationalement mais aussi localement. Pour me promener un petit peu dans quelques archives départementales, je ne citerai pas par exemple l'ex-Sénéoise, les Yvelines, qui était quand même le plus grand département de France après la Seine à cette époque-là, eh bien ils ont perdu la moitié de leur personnel depuis quelques années. Bref, la question des moyens visiblement devenait essentielle, et je crois qu'un des torts que l'on aurait, ça serait de séparer les choses, c'est-à-dire de poser uniquement la question des tri comme si c'était une question uniquement scientifique. Certes, elle l'est. Et de ce point de vue, le rapport de Christine Nougaret ne nous a pas choqués sur le fait qu'il y avait des tri, on sait bien. Alors je sais que dans des émissions radio, on a présenté les historiens comme de grands naïfs qui n'imaginaient même pas qu'il y avait des tri. C'est nous prendre pour quoi, je me pose des questions. En fait, nous le savons bien, simplement, là nous avons l'impression que nous passons un cran supérieur, c'est-à-dire que les tri s'accentuent, et les réévaluations s'accentuent, à la fois pour répondre à une situation conjoncturelle, la fermeture de Fontainebleau, avec des moyens extrêmement limités pour gérer cette fermeture. Je crois qu'aujourd'hui, on est entre une quinzaine de personnes à peu près, et il va y avoir des réévaluations, donc on va envoyer des équipes des archives nationales, notamment réévaluer ce qui est à Fontainebleau en partie. Ils ont quelques mois pour le faire. Il y a un côté à la hussarde, un côté non-information qui était gênante, et les informations, bien sûr, comme nous connaissons depuis longtemps le milieu des archivistes, on en avait. Donc les inquiétudes ne pouvaient qu'augmenter de ce point de vue-là. Voilà, c'était à peu près ce qui nous a motivés au départ. Bien entendu, je pense qu'au moment du débat, ces questions seront reprises. Je rappelle aussi, mais vous l'avez dit, vous le savez bien et vous connaissez bien cette institution, que les origines, mais je pense que l'essentiel de la salle le sait, les origines du site de Fontainebleau étaient précisément au départ un site aussi de ce que l'on appelait à l'époque le préarchivage, qui a pu amener une partie justement de ces évaluations qui étaient prévues. Et vous-même, Antoine Gicpas, quand vous avez vu ce débat s'ouvrir, et vous étiez comme Annette, si j'ose dire, aux premières loges, puisque vous êtes membre du Conseil supérieur des archives, comment avez-vous réagi ? Alors moi, j'ai une réaction mitigée, réaction en deux temps. La première avec une forme d'inquiétude, et la seconde avec plutôt une forme d'enthousiasme. Ma première réaction était de... marqué d'une teinte d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que moi, je suis généalogiste successoral et mon travail, c'est de rechercher des héritiers et de faire valoir leurs droits sur des biens ou sur un patrimoine. Et donc, notre méthode d'investigation, elle repose sur le croisement des sources et sur la prise de la responsabilité juridique et financière de la dévolution que l'on remet au notaire. Donc, comme on croise des sources, nous sommes de gros consommateurs d'archives. Et j'ai envie de dire qu'on n'en a jamais assez. Et donc, pour nous, éliminer des sources peut présenter un risque, puisque ça peut nous induire en erreur et nous amener à omettre des héritiers ou à attribuer des droits à des personnes qui, en réalité, n'en ont pas. Ma deuxième réaction était beaucoup plus positive, parce que, évidemment, nous comprenons facilement qu'on ne peut pas tout conserver, que d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas, que les espaces de stockage ne sont pas infinis. Et nous avons bien conscience qu'à l'heure où on produit de plus en plus d'informations, la question se pose avec la quantité de conservation, de données à conserver, se pose avec plus d'acuité. Moi, je crois qu'il ne faut pas forcément nous enfermer dans un débat qui consiste à essayer de déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je crois qu'il faut surtout se concentrer sur la cohérence de ce qu'on conserve. Je voudrais prendre un exemple. Je consulte dans mon travail une série qui s'appelle la série de l'enregistrement, la série Q, qui est très importante parce qu'elle permet de déterminer des patrimoines. Qu'on la conserve ou on la conserve pas, je dirais que la question elle relève de l'État, du choix des politiques des archives. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle soit conservée dans sa totalité et pas par échantillonnage, puisqu'il y a des sources qui ne se comprennent, qui se travaille, que l'on peut exploiter que si la série est complète. Par exemple, on ne peut pas trouver de table de succession, de déclaration de succession et d'absence si on ne consulte pas les tables de succession. Et donc, ça ne sert à rien de conserver l'une et de ne pas conserver l'autre, parce que sinon, ce n'est pas, c'est pas utile. Donc, sauf à vouloir utiliser des maîtres linéaires pour rien, je crois que le plus important, c'est mettre de la cohérence. Et ma deuxième réaction était beaucoup plus positive, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, et c'est vrai que le papier, qui est la méthode de conservation traditionnelle, présente d'énormes qualités, puisque nous avons des millions de documents qui proviennent des siècles passés, mais on oublie aussi tout ce qui n'est pas arrivé, tout ce qui ne nous est pas parvenu. Le papier, ça brûle, le papier, ça prend l'eau. Alors, je sais bien que le numérique, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais je ne partagerai pas l'inquiétude de mon confrère. Moi, je crois que les progrès technologiques sont formidables. Je pense qu'il faut les prendre de manière positive. La numérisation, c'est une vraie opportunité pour nous. Et je pense qu'il faut les progrès du stockage, du volume de stockage qui ne cesse d'augmenter, c'est fantastique. La facilité qu'on a aujourd'hui pour faire des copies, c'est une vraie opportunité. Et je crois qu'il faut regarder un petit peu ce qui a été fait à l'étranger. Quand vous voyez des sites internet comme Ancestry.com, MyHeritage.com, qui sont des sites où on a numérisé des centaines de millions de données qu'on a rendues accessibles à tout le monde, moi je crois qu'il ne faut pas tellement s'inquiéter. Il faut prendre ça comme une opportunité positive d'essayer de conserver des données pendant des années et de l'offrir aux usagers. Après, je crois qu'il faut essayer de concentrer les choses sur peut-être quelques règles, je terminerai là-dessus. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de sélection par échantillonnage, il ne faut pas qu'il y ait de sélection sans consultation des usagers des archives, parce que c'est un vrai débat qui doit être ouvert, porté sur la place publique. Je pense qu'il ne faut pas non plus de sélection sans solliciter des initiatives privées, parce que je crois qu'il vaut mieux ne pas détruire des archives et voir si des initiatives privées peuvent, des entreprises par exemple, peuvent conserver des archives. Et je crois qu'il faut se poser aussi une question, la question du coût, c'est-à-dire faut-il mieux détruire des archives ou les rendre payantes ? Je crois que c'est une vraie question. Moi je consulte aujourd'hui des archives qui sont à ma disposition sur des sites internet tels que Philae, Ancestry.com, etc. Ça me coûte, pour un particulier, ça coûte peut-être, je ne sais pas, 150-200 euros par an. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut accepter de détruire des données ou les rendre payantes ? Moi, en tant que professionnel de la généalogie, j'ai bien conscience que l'État ne peut pas tout et je pense que peut-être qu'une partie du compromis, est là. Alors, je vous donne mon point de vue d'un généalogiste, praticien des archives et d'un chef d'entreprise. Ouvre sur la deuxième question que je voulais poser justement à nos intervenants, c'est-à-dire qu'au-delà des inquiétudes exprimées qu'on a bien notées, les archives majeures qui ne sont pas rentrées, le risque de voir la conservation des originaux remplacée par la conservation d'archives numériques, qui est un petit peu différente de la numérisation de données existantes et mises en ligne, ou effectivement sur des sites privés comme sur des sites publics, ces sources sont extrêmement abondantes et je crois sur ce point, et je parle sous couvert du directeur chargé des archives de France, que les services d'archives sont le premier pourvoyeur de données numériques largement consultées par nos concitoyens. L'inquiétude, bien sûr, aussi le lien avec les moyens dont disposent les services d'archives pour effectuer leur mission. Et puis en même temps, ces inquiétudes, vous les portiez en arrivant ici, en écoutant les débats, vous avez entendu lors de la première table ronde les propos de mes collègues archivistes, vous avez entendu aussi, vous l'avez rappelé, Thierry Chestier, les propos de la ministre pour ouvrir cette journée. Vous avez entendu en particulier ce souci notamment affirmé par Mireille Jean, la nécessité de maîtriser une collecte très vaste et la conscience qu'il y a aussi des archives majeures qui ne rentrent pas et qu'on est souvent, nous archivistes, davantage dans la réponse aux demandes que dans la demande des archives les plus importantes, le constat donc de ces lacunes, la volonté de combler ces lacunes, les pistes pour les combler, en particulier en s'interrogeant autour des fonctions des producteurs et pas seulement de la typologie documentaire, en cherchant, Françoise Banaberger l'a rappelé, à articuler peut-être la collecte sur une réflexion plus large entre les services nationaux et les services territoriaux. Le fait, vous l'avez rappelé, hein, que c'est un débat non économique, mais d'abord un débat scientifique, et comme ça a été dit également, ce n'est pas tant une question de moyens, même si les moyens sont importants, qu'une question de méthode et d'état d'esprit. Et puis, je crois, j'espère en tout cas, vous avez entendu la volonté de dialogue, ce dialogue qui a lieu au Conseil supérieur des archives, qui a lieu dans le comité des usagers des archives nationales, qui existe maintenant et qui a été mis en place aux archives nationales par Françoise Banaberger. Vous avez entendu cette volonté de transparence qu'a exprimée Céline Guyon au nom de l'Association des archivistes français. Alors, compte tenu de tout cela, comment réagissez-vous et, très concrètement, qu'espérez-vous pour les mois à venir en attendant le bilan de cette nouvelle période que nous a annoncée tout à l'heure Françoise Nyssen. Annette, je me tourne à nouveau vers vous. C'est une question un peu difficile. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un dialogue. Et sans vouloir développer un esprit ancien combattant, c'est ce que nous avions réussi à faire dans l'association Une cité pour les archives nationales. Par exemple, quand j'entends la ministre annoncer qu'il y aura une plateforme de discussion et qu'elle sera pour les archivistes, je me demande pourquoi il ne serait pas possible que les usagers interviennent aussi sur cette plateforme. Un dialogue, ça veut dire que l'on discute ensemble et qu'on partage des lieux. Et en gros, les historiens, tout ce qui pousse à faire des historiens les ennemis des archives et vice-versa, c'est pas bien. Je rappelle quand même que les archives sont devenues publiques, enfin pas publiques, mais les débats, après le scandale du livre de Sonia Combes sur les archives interdites, qui a rendu beaucoup bien service finalement à la profession, après avoir indigné beaucoup de personnes, parce qu'elle a obligé à penser un certain nombre de choses. Et voilà, ça me paraît important qu'il y ait un vrai dialogue, pas la table ronde des archivistes femmes, après les historiens plutôt mâles, mais un mélange, voilà, que l'on soit ensemble, que l'on discute ensemble, y compris parfois un peu durement, quand je me plains pour les époux Bac, mais toujours avec amitié et parce que nous sommes préoccupés par la même chose, qui c'est la mémoire, l'histoire. Donc ça, pour moi, c'est très important. L'autre, Céline Guyon a parlé de transparence. Moi, j'ai propagé la rumeur qu'on allait pilonner les dossiers de naturalisation. Je l'ai entendu et je l'ai propagé. Notre président du Conseil supérieur des archives s'en souvient avec beaucoup d'inquiétude. S'il y avait plus de transparence, c'est la transparence qui permet de contrer la rumeur. En tout cas, chez les gens de bonne volonté, ce que nous sommes tous. Donc, la question de la transparence. Pour le reste, on est quand même dans un sujet presque aporétique. On ne peut pas tout conserver, on en convient. On ne peut pas tout conserver pour des raisons matérielles, ça c'est sûr, mais aussi pour des raisons intellectuelles. Tout le monde connaît la fameuse nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être encombré par trop d'informations. Mais en même temps, qui a la tâche d'organiser l'oubli? Est-ce que ce sont les archivistes qui vont décider que tel ou tel domaine est inintéressant? Ou est-ce qu'on va essayer de discuter le plus largement possible pour essayer de se tromper au minimum, puisqu'on est sûr qu'on se trompera et que dans une ou deux générations, il y aura, s'il y a toujours des historiens, qui viendront se plaindre que tel ou tel fonds n'a pas été conservé. Alors, je voudrais aussi dire un point qui est un peu décalé, mais Gilles a parlé des mauvais fonctionnements, oui. Moi, je suis revenu ces derniers temps assidûment dans plein d'archives départementales et c'est un peu galère. Hein. Les demandes de dérogation mettent très longtemps à être traitées. On a le sentiment... Alors, on a d'abord un sentiment très, très contradictoire. C'est qu'il y a une architecture superbe, des immenses... archives départementales qui sont un peu vidées du fait de ce que le mouvement de construction a été contemporain de la question de la numérisation et qu'un certain nombre d'usagers, notamment beaucoup les généalogistes, ne vont plus matériellement dans les... Enfin, ils ne se présentent plus dans les dépôts d'archives. Donc ça, effectivement, il y a un problème et peut-être qu'il faudrait repenser avec plus d'efficacité pour les usagers, bon, notamment les historiens, et réfléchir à cela. Maintenant, la question de la numérisation, moi, je serais désolé si on n'ouvrait plus des cartons d'archives. Alors, la numérisation, elle est formidable quand on cherche quelque chose de précis. Par exemple, le dossier de Légion d'honneur de Benjamin Veillalé, le mari de Lagroua, enfin de Marie-André, j'étais ravi de pouvoir le consulter sur Internet. Mais un dossier de détenu, je préfère l'ouvrir avec d'autres dossiers de la prison parce qu'aucun historien ne cherche simplement des renseignements. Il recherche aussi un contexte. Et puis, il y a le hasard du chercheur. C'est-à-dire pas le hasard de tomber dans la rue, mais le hasard du chercheur, c'est qu'on cherche quelque chose et c'est un dossier qui est à côté qui nous permet de faire quelque chose. Donc moi, je suis pour qu'on garde quand même les cartons. Voilà. Non, je ne sais pas si je dois vous rassurer ou m'en inquiéter, mais je tiens à vous dire que dans mon service, comme je crois dans tous les services d'archives dont des archivistes sont présents ici, il reste encore beaucoup plus de cartons qui n'ont pas été numérisés que de cartons qui l'ont déjà été. Et d'ailleurs, alors du coup, je vais changer un petit peu mon ordre. Je voyais que vous réagissiez sur ce point-là, Antoine Zicpa, et du coup, ça m'amène aussi à dire comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous espérez pour les mois à venir. Alors moi, je vais rebondir sur ce que disait Annette. Évidemment, j'adore aussi les cartons, la poussière. C'est un peu comme ça qu'on se forme et qu'on fait la patte du chercheur. Mais vous preniez tout à l'heure l'exemple des dossiers de naturalisation. C'est une source pour nous qui est formidable parce que dans les dossiers de succession dans lesquels nous intervenons lorsqu'on ne connaît pas les héritiers, 30% de nos recherches nous conduisent à mener des recherches à l'étranger. Et évidemment, nous consultons les dossiers de naturalisation pour connaître l'origine des familles sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, il y a une partie des dossiers de naturalisation qui ne sont plus accessibles et qui sont à Fontainebleau. Alors moi, je ne connais pas du tout assez le sujet pour savoir expliquer les raisons de la non-consultation, la non-disponibilité. Ce n'est pas tellement mon sujet, mais j'ai plutôt envie de dire, mais, puisqu'ils ne sont pas accessibles, mais numérisez encore et encore. C'est vrai que c'est moins sympathique et que les cartons et la poussière, mais numériser, c'est sans doute la solution. Et peut-être inventons un nouveau modèle de consultation des archives, un nouveau modèle économique. J'allais dire un peu numérisé comme Guizot pouvait dire enrichissez-vous, vous voyez. Numériser. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est sans doute une des solutions pour éviter bien, bien des problèmes. Bien. Alors du coup, Thierry Chestier, pas seulement sur la numérisation, mais sur l'ensemble de ce qui a été dit, par rapport aux pistes qu'ont déjà tracées les archivistes de la première table ronde, vous-même, par rapport aux inquiétudes qui sont les vôtres, et notamment aux inquiétudes liées à la disparition de documents originaux qui seraient uniquement numérisés, est-ce que les propos que vous avez entendus et les propos de méthode des archivistes vous ont rassuré, ou est-ce que très concrètement, qu'est-ce que vous attendez au nom de la Fédération française des généalogistes que vous présidez, qu'est-ce que vous attendez du dialogue et de la transparence qui ont été annoncés et que Annette Wiewiórka appelle aussi de ses voeux? Alors, ce qu'on attend, c'est évidemment du dialogue, ce qu'on attend, c'est évidemment d'être partie prenante de ce dialogue, et puis, comme l'a dit Annette, qu'on soit aussi représenté dans ces débats, ça c'est une évidence. Alors, je voudrais aussi rebondir sur les propos d'Antoine. Je ne suis pas du tout contre la numérisation, la diffusion sur Internet, au contraire, on l'a favorisé, mais il n'y a pas que ça. Alors, le pendant de la chose, et ça c'est Annette qui l'a dit, c'est que ça a un peu vidé les salles de lecture, puisque les généalogistes qui représentaient les deux tiers environ du lectorat des salles d'archives, et ils sont maintenant dans les salles virtuelles. Il y a eu un phénomène de vase communicant. On a peut-être aussi, nous, un peu une part de responsabilité, puisqu'il n'y a pas que l'état civil a consulté en généalogie. Il y a des documents qui sont des pièces annexes de l'état civil, comme les publications de mariage qui normalement sont pilonnées. Parfois on en trouve. Ça sert énormément pour les gens qui ont des recherches à faire en secteur limitrophe. Ils ne trouvent pas le mariage, bah c'est dans le département suivant. Donc oui, évidemment, on doit dialoguer. On doit croiser, pour reprendre l'expression d'Antoine, lui, croiser sources. Nous, on doit aussi croiser les expériences, croiser les points de vue, et puis croiser les idées et faire des propositions. Pour terminer, moi, ce que je regrette, c'est que sur ce domaine des archives, là encore, on a vraiment l'impression que l'État a une vision comptable des choses, une vision strictement comptable des choses. Moi, ça me fait tiquer quand on voit un petit peu les dégâts. Par exemple, dans le domaine de la santé, en milieu hospitalier, les dégâts qu'a posé la vision comptable de la santé, moi, ça me fait un petit peu tiquer. Donc, on a notre mot à dire. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Je voudrais terminer avec un message un peu personnel, puisqu'après, je crois que c'est Gilles qui termine le débat. J'arrive d'un petit département qui a été cité au début, qui est la Vienne, et où en 2001 est arrivé pour son premier poste en archives départementales, Mireille Jean. Mireille Jean, j'ai travaillé une douzaine d'années avec elle. En gros, tu as dû partir de la Vienne en 2012-2013, si ma mémoire est bonne. Je ne vais pas manquer l'occasion, devant une assemblée aussi prestigieuse, de dire que j'étais extrêmement content de travailler avec toi et que je souhaite à tous mes collègues présidents ou présidentes d'associations de généalogie d'avoir la même qualité de dialogue avec leurs directeurs d'archives départementales. Merci. Bien, quelle table ronde consensuelle. Je suis sûr que ça va être le cas de la dernière intervention et donc effectivement, je vous propose, Gilles aussi, et je suis certain que vous allez nous trouver quelques exemples très concrets pour nous dire comment vous souhaitez que justement les choses et se poursuivent ou évoluent dans la voie de ce qui a été tracé lors de la première table ronde et quelles sont vos attentes à cet égard? Bien, mes attentes, évidemment, ont des rapports avec ce qui a été discuté. Par exemple, j'ai trouvé plutôt positif ce que nous a dit Madame la directrice des Archives nationales quand elle affirme qu'elle va désormais mettre à disposition des usagers la liste des fonds qui disparaissent. Les inventaires, me semble-t-il, sont à conserver. Parfois, sont des fonds qui ont été utilisés dans le passé. Les fonds réévalués ont été utilisés. Ils font partie des bibliographies. Il faut absolument qu'on ait la liste à la fois de tous les fonds qui vont être pilonnés, appelons les choses par leur nom, et puis également des traces matérielles. La seule chose qui restera, ça sera ces inventaires, qu'on puisse au moins consulter cela. C'est une petite chose, mais qui va dans le sens de la transparence, nous en avons besoin. Je crois aussi qu'il faut que l'on fasse attention, la question des tri n'est pas la seule question, elle s'inscrit, je le disais tout à l'heure, dans un cadre plus général, notamment aujourd'hui dans le cadre aussi des problèmes juridiques. Il est extrêmement inquiétant de voir les recommandations à la fois de la CNIL et les directives européennes qui vont être appliquées d'ici quelques mois. Est-ce qu'on ne va pas être tenté, en fait, au nom de la protection du droit des personnes, d'avoir une espèce d'amnésie nationale sur toute une série de faits? Et je crois qu'il faut là qu'il y ait un débat public général où les historiens auront leurs choses à dire, comme les archivistes. Et je crois que là-dessus, en fait, si on se débrouille bien, on peut avoir un front commun qui sera absolument nécessaire pour discuter avec les parlementaires, pour discuter avec d'autres sur ces questions fondamentales pour nous, qui va être l'accès à un certain nombre de données. Je vous signale que récemment, il y a eu par exemple, vous me demandiez un exemple concret, Thomas Piketty est venu aux Archives nationales expliquer les fonds sur lesquels il avait travaillé pour faire son ouvrage « Le capitalisme au XXe siècle ». Or, il se trouve qu'une des premières choses qu'il nous a dit, les fonds sur lesquels j'ai travaillé n'existent plus. À la demande de la CNIL, les instruments que j'ai utilisés, pour la plupart, ont été éliminés au bout de 5 ans. C'est quelque chose de dramatique. Évidemment, là, ce sont des pans à la fois de vérification de fait, aussi de connaissances futures et de réutilisation des éléments qui ne seront plus possibles. Donc, vous voyez, je crois que ce débat doit effectivement se poursuivre. Et puis, dernier point, Je crois qu'on devrait aussi avoir très vite une date pour le nouveau bâtiment de Pierrefitte. Vous savez très bien que si jamais ce bâtiment n'est pas construit, il va falloir réduire les entrées une fois de plus, donc éliminer encore plus. Il y a une question technique là d'apparence, mais qui va être une question concrète. Nous sommes dans une période où beaucoup de choses numériques n'ont pas encore été conservées. Le fait de se dire « Ah oui, mais tout ça a été numérisé par ailleurs », oui, mais des fois, on sait très bien, dans les années passées, les numérisations ont été mal conservées. Il faut garder les documents papier qui seront peut-être les seules traces bientôt. Alors certes, c'est un bureau qui, à un moment, a tiré des fichiers qui sont en théorie en numérique, mais on sait très bien qu'ils n'y seront pas forcément. Donc là, je crois qu'il faut des tris intelligents, il faut des tris qui ne soient pas trop drastiques, effectivement, il faut un dialogue sur ce dont on a besoin. Tout ça me semble nécessiter à la fois un dialogue public et puis aussi des échanges privés. Et je crois que nous devrons à l'avenir reconstituer une association ou d'autres lieux qui nous permettront de discuter de ce genre de choses. Bien, je remercie les intervenants. Je crois que tout le monde a bien entendu les différents termes, dialogue, transparence, front commun que vous avez utilisé, dont vous avez rappelé, Annette, que par le passé, il a donné des résultats tout à fait satisfaisants et spectaculaires. Vous avez bien noté également ces critères qui répondent à ceux que Françoise Banaberger a indiqués tout à l'heure, quels étant les critères de réévaluation qui étaient appliqués et qui allaient être appliqués aux archives nationales. Je crois aussi qu'on peut saluer les intervenants de cette table ronde comme ceux de la table ronde précédente pour leur scrupuleux respect de l'horaire, certainement dû à la performance du modérateur, et je me tourne donc vers le directeur chargé des archives de France pour savoir si nous ouvrons maintenant le débat ou si vous... Voilà, alors le temps que chacun se mette en place, ça permet, si certains ont besoin d'une pause très courte, mais nous allons... Voilà. Voilà. Vous avez 5 minutes de suspension pour et nous reprenons immédiatement après le débat parce que si nous voulons que le dialogue s'ouvre, il faut lui laisser du temps.